Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en vidéo. Alors, nous avons vu dans le précédent podcast comment en réalité était organisé le sommet de l'administration des rois mérovingiens. Parce que les rois mérovingiens ont besoin d'avoir une administration qui leur est fidèle, qui leur est loyale et qui est en plus efficace. Et l'organisation du palais, qui est en fait l'institution centrale de l'administration royale à l'époque, a à son sommet, d'ailleurs, le fameux maire du palais. Maire du palais qui a une légitimité considérable puisqu'il est élu par les grands, et face à un roi qui, lui, n'est que sacré lors d'une cérémonie du couronnement. Et donc, ce qui fait que le maire du palais peut se retrouver quelquefois en vis-à-vis, du roi. Quelquefois un vis-à-vis qui veut aider, qui est aidant, qui est le seconde, et quelquefois il est plutôt menaçant. Mais alors il faut savoir donc le maire du palais donc occupe en quelque sorte le rôle de ministre de la Défense et de l'Intérieur, parce que non seulement il est élu par les grands, mais il occupe en réalité un pouvoir de commander les armées. Alors, on verra que c'est d'ailleurs un pouvoir qu'il a un peu usurpé, mais au fil du temps, ce qui fait que l'usurpation est presque passée inaperçue. Mais il n'est pas le seul, au palais, il n'est pas le seul à occuper des fonctions politiques hautement importantes, hautement stratégiques. Alors, je parle de fonctions politiques, ce qui est une expression en réalité parfaitement anachronique, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de distinction entre fonctions administratives et fonctions politiques, mais en tout cas, ça permet un peu de mieux situer finalement les enjeux. Alors le maire du palais, lui, donc, travaille à côté de lui, d'ailleurs, avec le trésorier du palais. Le trésorier du palais est un personnage considérable. C'est un peu comme le ministre des Finances. Il y a aussi à côté le référendaire. Le référendaire, c'est celui qui est chargé d'écrire, ou plutôt de faire écrire et de diffuser les différents textes de loi. C'est un juriste. On pourrait appeler ça un chancelier ou un premier ministre. Et enfin, il y a à côté, comme personnage considérable, l'argentier. L'argentier, le grand argentier du royaume, qui est le ministre de l'économie et des finances. Lui, c'est aussi un personnage considérable parce qu'il cumule aussi les fonctions de banque centrale. Il va aussi prospecter pour trouver des mines d'or. Il va aussi tous les ans proposer un taux de change différent, un taux de change entre les monnaies. Il fait des tableaux d'équivalence d'ailleurs entre les différentes monnaies que constitue le royaume. C'est lui qui décide finalement de faire marcher ou pas, non pas la planche à billets, mais plutôt la planche à pièces de monnaie, en mettant du plomb dans les pièces de monnaie pour qu'elles aient le même poids tout en ayant moins de valeur et en permettant d'en faire plus. Donc voilà, c'est un personnage aussi considérable, hein. Alors, il est probable qu'au début, et il est probable, quand je dis qu'il est probable, il est presque sûr d'ailleurs qu'au début, toutes ces fonctions étaient nommées directement par le roi, intuitu personae, y compris le maire du palais, nommé par le roi. Mais par un glissement incompréhensible, en réalité, le pouvoir de nomination du roi a dérivé vers un pouvoir de nomination partagé entre le souverain et le maire du palais. Ou bien carrément, concernant même la fonction de maire du palais, un passage, une sorte de dynastie a été en héritage. Il n'y avait plus donc de nomination vraiment, la nomination n'était que purement formelle. Alors le maire du palais tend d'ailleurs à exercer de plus en plus un contrôle hiérarchique sur les ministres et donc ce conseil, véritable gouvernement du royaume, s'appuie aussi donc sur une administration. C'est un autre aspect du palais, donc une administration composée d'administrateurs civils un peu, et qui ont là à l'époque le nom de comice palati, du latin comex comice, c'est du neutre, et ce qui donnera d'ailleurs commis de l'État. Donc ce sont de véritables administrateurs civils, rattachés au palais. Ils ont tous en commun de savoir lire, écrire et compter en latin, et d'avoir suivi un cursus complet à l'école du palais. L'école du palais, c'est une véritable École d'administration. Il y a au moins trois écoles du palais dans le royaume. Franc, alors en Neustrie, au palais de Clichy, par exemple, il y a éventuellement une école du palais à Clichy. En Bourgogne, probablement une école du palais à Orléans. Et en Austrasie, à Metz. Mais bon, ce sont des probabilités, il n'y a pas de certitude. En tout cas, à cause du court règne d'ailleurs de Caribert, frère aîné de Dagobert, de 629 à 632, il y a peut-être même une école du palais à Toulouse, ce qui est très probable d'ailleurs. Parce qu'il faut aussi ajouter les écoles créées par les seigneurs sur le modèle des écoles du palais, et les écoles royales créées en dehors du palais et qui s'adressent à une population aisée, souvent noble, à qui on apprend à lire, écrire, compter. Les femmes, on leur apprend à lire aussi, écrire et compter, et aussi la religion. On a vu ça par exemple avec Radegonde, qui avait été entièrement instruite dans la villa royale de Vitry-sur-Artois. Donc, ce qui fait que, comme tout ce monde-là se retrouve en réalité dans un énorme complexe de bâtiments qu'on appelle le palais, eh bien ces personnes se fréquentent. On a des ministres qui fréquentent, donc des étudiants qui, eux, vont à l'école du palais. Ils se croisent dans les couloirs de ce grand complexe palatial. Et enfin, le palais, donc à l'inverse des villas, la villa a un plan plus simple, se présente, donc le palais se présente comme une véritable ville. Voilà. Ça, je reprends d'ailleurs l'historien Augustin Thierry, un spécialiste des Mérovingiens. Il faut savoir qu'il faut imaginer en réalité le palais donc comme une énorme ville, entièrement d'ailleurs construite en bois, ce qui fait qu'on a extrêmement peu de traces de leur existence. Et c'est une ville qui est organisée pour assurer déjà les biens de première nécessité. D'abord, c'est le plus important, que tout le monde ait à leur faim, qu'il n'y ait pas de problème de disette, qu'il n'y ait pas de problème, qu'il ne soit pas en réalité perturbé par des événements extérieurs. Mais nous allons voir d'ailleurs dans le prochain podcast comment ce palais, ce complexe palatial est organisé. Comment en réalité il a eu un impact sur finalement la façon de diriger et de gouverner cette France mérovingienne qu'on ne peut pas encore appeler la France, mais qui le deviendra bientôt. Merci et à bientôt.